Le Forum allemand anti-impérialiste a lancé une déclaration en faveur de l'appel de la réunion conjointe du gouvernement, des partis politiques et formations sociales de la République populaire démocratique de Corée titrée « Ouvrons à tout prix une grande voie de la réunification indépendante en libérant au maximum la force puissante de la nation coréenne et sa grande détermination de la réunification ».